La Ligue québécoise d'impro BD, Ligue BD, présente en mode familial ses rencontres mensuelles. Qu'est-ce que l'impro BD? Des improvisations théâtrales où viennent s'imposer une contrainte ou un allié de taille, le dessin. Improvisateurs, musiciens et dessinateurs s'unissent sur scène afin de créer histoire et personnages. Entre histoires courtes et récits longs, laissez-les vous improviser une BD. Prochaine rencontre, dimanche 30 octobre, 13h, au Musée national des beaux-arts du Québec. Entrée libre. La Ligue BD, une présentation pour les 7 à 77 ans du Festival de la BD francophone de Québec, en collaboration avec CKRL. Information, liquibd.com. Ce soir, à l'aérospatiale, l'artiste Olivier Moisan-Dufour sur sa pratique, l'art audio de Marion Gotti, Marc Séguin et son film Stealing Alice, l'œuvre Codex Populi de Ludovic Bonnet et la sélection audio de Simon Roy. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre émission de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec. Alors, Sarah Bélanger-Martel avec vous encore cette semaine pour vous présenter en ce pluvieux mardi 12 octobre un menu quand même des plus variés. Alors, ce soir, on aborde des pratiques qui sont moins connues avec d'autres pratiques qu'on connaît un peu plus. Alors, on vous propose en début d'émission une entrevue avec l'artiste de la relève, Olivier Moisan-Dufour, qui va nous parler de son exposition « Exploration picturale 3 ». Qui est présentement présenté au pavillon des Jardins de l'Université Laval. Et un peu plus tard, on discute avec le peintre Marc Séguin de son film Stealing Alice, un drame psychologique qui entretient, vous allez voir, plus d'un lien avec les arts visuels. Alors donc, ce soir, on parle de peinture, mais aussi de sculpture et d'installation, parce que notre chroniqueur, Geoffrey Poirier, a rencontré Ludovic Bonnet en pleine production de l'œuvre d'art public Codex Populi qui sera installée devant l'Hôtel de Ville de Québec. On parle aussi d'art audio, puisqu'on vous présente notre première capsule d'art audio en collaboration avec le Centre Avatar. Alors, Caroline Gagné, la directrice artistique d'Avatar, et Marion Gotti, l'artiste derrière l'œuvre qu'on vous présente ce soir, seront des nôtres pour venir en parler. Et comme toujours, on vous présente un agenda très chargé cette semaine des arts visuels à Québec et la sélection musicale de Simon Roy, qui nous propose cette semaine de découvrir la musique d'X-Ray. Donc, ce premier extrait qu'on vous présente, c'est un remixage de la célèbre pièce Nightmare d'Artie Shaw qui nous amène dans un univers très, très James Bond-esque. Alors, on écoute ça tout de suite. Вот Hitchcock. Явилась первой. Надо было опоздать. Где-нибудь в сторонке встать. Что мы делать? Сдали нервы. Alors, on commence cette émission avec une entrevue. Olivier Moisan-Dufour est avec nous ce soir. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, merci. Merci à toi d'être passé à nos studios pour nous rencontrer. Tu présentes en ce moment une exposition au pavillon des Jardins de l'Université Laval. Oui, exactement. C'est Exploration picturale 3. Donc, Exploration picturale 3, donc ça veut dire qu'il y en a eu d'autres avant. Il y en a eu deux autres avant de ce même concept d'exposition-là. Donc, tu parles d'un concept d'exposition. Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient dans ces expos-là de 1 à 2 à 3? Oui, ben en fait, pour moi, c'est un concept, dans le fond, que j'expose des œuvres de différentes natures, de différents styles. Donc, c'est tout fait partie de l'exploration en peinture, mais aussi, je commence à introduire d'autres médiums dedans. Donc, D'exploration, donc toute exploration confondue. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Une recherche, donc j'appelle ça exploration parce que c'est tout le temps en recherche, mais vu que c'est différents styles, je trouve que ça se prête bien. Mm-hmm. Puis quand tu dis des différents styles, est-ce que c'est en termes de médium que tu utilises? Tu travailles avec la peinture sur en termes de format, en termes de manière de travailler la matière picturale? Oui, entre autres, mais c'est beaucoup... en fait, je fais du figuratif, de l'abstrait, des choses qui sont plus graphiques. C'est de la représentation, puis d'autres choses qui sont complètement... plus du côté de l'abstraction. Là, mm-hmm. Donc, si je ne me trompe pas, Olivier, tu as toujours eu différentes pratiques aussi. Tu n'as pas fait que de la peinture sur toile dans ta vie. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, ben moi, je fais... En fait, depuis 2005-2006, je fais beaucoup de murales. Donc, j'essaie de mélanger toutes mes racines qui viennent plus du graffiti, puis de la murale. Donc, ça, c'est plus une autre pratique, dans le fond. Est-ce que tu travailles différemment, justement, quand tu vas travailler sur des grandes surfaces comme ça, en termes de comment tu te prépares? Ou est-ce que tu as vraiment deux manières complètement différentes de travailler? Moi, je fais pas la distinction, nécessairement. Là. J'essaie tout le temps de travailler du mieux que je peux, selon le contrat puis l'offre qui est possible, en fait. Mm-hmm. En mural, quand c'est des demandes, ben c'est sûr que c'est plus restreint. Surtout ici avec la ville de Québec, quand c'est une question de mural, c'est faut rentrer comme dans un standard, dans des barèmes un peu croîtrants, ouais, si je peux dire. Fait qu'il faut que ça réponde à la demande, puis il faut que ça passe un jury, donc il faut que ça plaise à un certain groupe. Donc ça, c'est une autre pratique, effectivement. As-tu l'impression d'avoir plus de... justement, d'explorer des choses plus librement, donc dans ta pratique oui, que tu fais en ce moment? Oui, en peinture, c'est... toutes les options sont bonnes, puis sont justifiables. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis justement, tu disais que tu commences à introduire d'autres choses que de la peinture. Oui. Dans ton expo, on retrouve de la sculpture aussi. Des pièces assez imposantes quand même. Oui, ben en fait, c'est depuis que j'ai fait mon bac en art, donc je suis en train de le finir. Mais c'est ça, vu que j'avais accès à des locaux, puis à des ateliers, de la place pour produire, donc j'ai fait plus de la sculpture, en fait, alors que avant l'université, bon, entre le cégep et l'université, j'avais fait aucune sculpture, nécessairement. Mm-hmm. Surtout à cause de ça, là, à cause des espaces puis des ateliers. Ouais, qu'est-ce que ça... Parce que c'est quand même un propre de... La chance de pouvoir étudier en art, c'est aussi la chance d'avoir accès à des équipements, évidemment, à des enseignants qui peuvent t'accompagner là-dedans aussi. Mais ça peut complètement changer ta pratique aussi, d'ouvrir ces portes-là. Est-ce que toi, t'as l'impression que ta pratique a vraiment changé de voie avec l'accès à, justement, des équipements ou des technologies que t'avais peut-être pas? Oui, je pense que oui. Ben... Oui, c'est sûr que j'ai eu accès à des trucs, donc je me suis laissé aller dans d'autres médiums comme je pense à la gravure, mettons, à la lithographie. C'est des choses que je suis membre de Changram, mais tout seul, je m'aurais pas lancé dans la lithographie. Là. Donc c'est dans des cours comme ça qu'on explore d'autres médiums, d'autres techniques qui fait en sorte que ça modifie aussi notre pratique, effectivement. Mm-hmm. Mais il y a des liens assez, juste au niveau du sujet, pour les gens qui connaissent peut-être pas cette série de tes œuvres, il y a une série de tableaux, de peintures assez hyper réalistes là, de tes sculptures. De sculptures. Ouais. Donc, il y a vraiment des liens entre tout ça. Dans le fond, ça, c'est dans un cours, justement, avec Alexandre David, de dessin conceptuel. Donc, c'est un cours de proposition conceptuelle. Donc, je suis parti des dessins que je faisais. Donc, je faisais des assemblages en dessin. Ensuite, j'ai essayé de reproduire quelque chose de semblable en sculpture avec du bois de palette. Donc, j'ai récupéré du bois de palette, je les ai coupés. J'ai fait des assemblages qui ont donné des sculptures. Puis ensuite, je les ai peints en observant. Donc, c'est un peu comme prendre un modèle puis faire son portrait. C'est drôle parce que moi, j'avais trouvé qu'il y avait, il y avait un lien à faire entre la peinture la peinture de cet objet-là, en termes de comment tu l'as travaillé, et l'art du tag un peu, parce que on parle de volumes qui s'embriquent un par-dessus les autres, mais il y a un peu un côté 2D, même si c'est hyper réaliste, les espaces sont rendus comme 2D, un peu comme dans un tag, en fait, quand les lettres ou les lignes s'embarquent une par-dessus les autres, mais on a un effet de rabat 2D. Je trouvais qu'il y avait comme un pont entre ces deux pratiques-là. Et là, je trouve ça intéressant que tu me dises que c'est parti de l'autre sens, en fait, que c'est parti de dessin, que tu as fait une sculpture qui est devenue une peinture par la suite. Ben effectivement, c'est, pour moi, c'est de mélanger les techniques, de mélanger les... Bon, c'est ça, faire un espèce de cycle complet des médiums que j'utilise, puis de m'inspirer d'une chose pour aller vers l'autre, là, en fait. Puis, en ce moment, j'essaie de voir, avec ton exposition actuelle, est-ce que tu as l'impression que c'est le début des amorces de quelque chose de plus, ou c'est la finalité d'un travail que tu as fait depuis un bout de temps? Oui, je pense que c'est la synthèse, je pense, de tout ce que j'ai pu développer en peinture puis en sculpture durant mes études. Mais je pense que ça va vers d'autres choses en ce moment. Quelque chose d'autre? As-tu d'autres projets? Oui, là, je suis en animation, en fait. Fait que là, j'ai un cours en animation, donc je pratique beaucoup l'animation. Puis là, je veux intégrer mes œuvres picturales là-dedans, donc mettre ça en mouvement. Puis c'est un autre monde là, qui s'offre. Là. C'est comme... les possibilités sont immenses. Puis ça me donne envie d'explorer plus la vidéo avec... tout en gardant, c'est ça, mélanger les techniques, mais en prenant d'autres façons d'y arriver. Fait que tes prochaines explorations risquent d'être des explorations autres que uniquement picturales, si j'ai bien compris. Ouais, je pense que oui. Une dernière question pour toi, avant que tu files justement un de tes cours, si je ne me trompe pas. Oui. Tu as travaillé aussi en collectif pour cette exposition-là, si je ne me trompe pas, quelques œuvres, ou en fait, il y en a au moins une, avec qui tu as travaillé avec un autre artiste. Oui, avec Alexandre Saint-Onge, qui était mon collègue dans les ateliers de l'université. Je trouve ça intéressant parce que aussi j'imagine que dans la pratique comme muraliste ou comme il y a souvent ce travail d'équipe là qui se fait. Est-ce que t'aimes garder cet aspect collaboratif même quand tu travailles vraiment, sur tes œuvres à toi? Je pense que c'est important de s'ouvrir aux autres. Puis quand on produit ensemble, c'est tout le temps enrichissant, en fait. On fait des trucs qui vont complètement qu'on n'aurait pas fait tout seul, donc c'est complémentaire à ce qu'on fait. Puis c'est aussi l'échange, là, des fois tout seul dans un atelier, c'est long. Mais je trouve ça bien de mélanger des techniques, puis d'ouvrir aussi avec d'autres personnes qui font des choses différentes, puis ça donne lieu à des résultats différents. Merci d'être venu échanger avec nous ce soir. Ça fait plaisir. Olivier Moisan-Dufour, qu'on va pouvoir voir ton exposition jusqu'à vendredi. Oui, jusqu'à vendredi. Et les heures d'ouverture sont un peu plates, mais c'est 8h30 à 4h30. Donc, si vous avez la chance d'aller... Sur l'heure du lunch. On ira voir sur l'heure du lunch. Et la salle, c'est... Le local 2470 du pavillon Alphonse Desjardins, donc au deuxième étage. Excellent. Parfait. Bon, alors on ira voir ça. Merci beaucoup d'être passé ce soir. Merci. Et nous, on prend une petite pause musicale et on revient tout de suite avec une chronique de Jeffrey Poirier. Thank you. Alors, on revient de cet extrait, encore une fois, de X-Ray. C'était l'extrait Submarine qu'on vient d'entendre, une sélection de Simon Roy. Et on est ce soir avec Jeffrey Poirier et sa magnifique voix de jeune homme un petit peu enrhumé. Bonjour Sarah, ça va bien? ça va très bien. Ce soir, tu vas nous parler, tu fais ta chronique sur Codex Populi, qui est une œuvre de Ludovic Bonnet, qui va être présentée. Tu vas nous en parler devant l'Hôtel de Ville de Québec. Oui, exactement. Donc, c'est la nouvelle œuvre, la toute dernière de Ludovic Bonnet, donc artiste de Québec qu'on connaît très bien de par ses réalisations monumentales en art public. Donc, c'est lui qui a signé, bon, tout récemment, une cosmologie sans genèse, la dernière œuvre de 1% du nouveau pavillon Pierre Lassonde du Musée des Beaux-Arts. Celle qu'on trouve bien dans la cour intérieure, hein? C'est ça, la cour... C'est assez impressionnant quand même. Oui, effectivement. Et puis, je vous dirais que cette nouvelle œuvre-là, qui se nomme Codex Populi, ne fait pas exception à la démarche de Ludovic. Encore une fois, c'est un très bon défi technique, je dirais. Donc, c'est ça, cette œuvre-là va être installée le 11 juin 2017 à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Donc, petite tranche historique pour se mettre en contexte. Il s'agit d'une œuvre qui commémore la Conférence de Québec de 1864. Donc, c'était comme la deuxième conférence d'un cycle de trois conférences qui visait en fait l'unification des provinces canadiennes en un pays que l'on nomme maintenant le Canada. Le Canada, oui. Donc, voilà, c'était une conférence qui s'était tenue du 10 au 27 octobre 1864. Donc, avant de vous parler de l'aspect symbolique de l'œuvre rattachée, je dirais, à ce contexte historique-là, pour vous illustrer à quel point c'est un bon défi technique, cette œuvre-là, on parle d'une œuvre de 23 mètres de haut. Donc, c'est pas rien. Elle est à 23 mètres de haut ou elle-même fait 23 mètres de haut? Elle mesure 23 mètres. OK. Ah, ça va être quelque chose. Oui, effectivement. Donc, hier au téléphone, Ludovic me mentionnait qu'il a pensé cette œuvre-là tout en hauteur parce que, en fait, la raison est simple, c'est en fait la hauteur des édifices avoisinants qui crée une sorte de corridor et il avait le goût d'exploiter l'espace de cette façon-ci. Et puis, donc, quelques données techniques comme ça, on parle d'un mât de 23 mètres de haut en aluminium. Le budget qui entoure, en fait, cette œuvre-là vient du fédéral. On parle de 250 000 $. Et puis, c'est la première œuvre d'art public commémorative de Ludovic. OK. Parce que quand même, Ludovic est un habitué des œuvres de 1%, en fait, des œuvres d'art public aussi. Et donc, ça, c'est la première commémorative qu'il va faire? Oui, exactement. Et c'est son second plus gros projet après une cosmologie sans genèse au Musée des Beaux-Arts. Mm-hmm. Donc, voilà. L'œuvre va être réalisée à son atelier de Lévis. La production débutera sous peu. Et puis, en fait, ce qui est passionnant à propos de cette œuvre-là, c'est que elle allie finesse, je dirais, et monumentalité dans la même œuvre. Donc, comme le visuel, en fait, les images qu'on a mises sur notre blog de l'aérospatiale le montrent bien, on dirait une sorte de dentelle d'aluminium. Mmh. C'est vraiment fascinant. En fait, il s'agit de 9500 petits éléments d'aluminium qui sont répartis sur 25 colliers superposés. Donc, en fait, ces petits éléments de métal-là, comme je dis, qui rappellent un peu une dentelle de métal, ont été tracés, je dirais, sur des fioritures scripturales. En fait, les fioritures scripturales, on voit ça beaucoup dans la calligraphie classique. Mm-hmm. Donc, c'est en fait des petits appendices, des petites excroissances qu'on laissait dans la calligraphie classique. Mm-hmm. Donc, pour lui donner un petit style très organique, très, j'allais dire art déco, c'est pas le mot, mais bon, on se fait une image. Fleurie, là, oui, oui. Exactement. Élégant. Et puis, en fait, Ludovic a sélectionné 8 patterns, 8 modèles de ces fioritures-là, en fait, et les a répartis, c'est ça, sur 25 colliers superposés. Il souhaitait, par cet emprunt-là stylistique, souligner la dimension historique de l'écriture en rapport au traité des conférences et des textes de loi, en fait, qui ont mené à la création du Canada. Et puis, par rapport au titre, donc, l'œuvre se nomme Codex Populi. Le Codex, en fait, est l'ancêtre du livre moderne. Il était à la base composé de planches de bois. Et puis, l'œuvre reprend un peu cette idée-là de superposition. Et puis, ensuite de ça, on a Populi qui vient de Vox Populi. Populi pour, en fait, signifier la trace de tous les gens qui ont participé au texte de loi, encore une fois, qui ont mené au traité, qui ensuite ont mené à l'unification des provinces en un pays. Mm-hmm. Donc, il y a cette idée de multitude et à la fois une seule même grande unité. On a hâte de voir ça. Et quand est-ce que ça va être installé, cette œuvre-là? Est-ce que c'est pour bientôt? Alors, il va falloir attendre encore. Donc, ça va être installé en juin 2017, donc côté rue Saint-Jean, devant l'Hôtel de Ville. Et puis, l'inauguration est le 11 juin 2017. Donc, on a hâte de voir ça. Oui, on a encore un petit peu de temps d'ici là. On a le temps de tout un hiver au complet. toi, t'avais spécifiquement envie de nous parler de cette œuvre-là. Là, en ce moment, elle est en production. Mais qu'est-ce qui t'a déjà attiré? T'en avais entendu parler de ce concours? T'avais déjà vu les images? Ou qu'est-ce qui t'a attiré vers cette œuvre-là? Oui, bien que l'œuvre n'est pas encore, je veux dire, installée, que la production vient tout juste de débuter, c'est la dernière œuvre d'art public que la ville de Québec, je dirais, acquérit. Et puis, je trouvais ça intéressant d'en parler. C'est un projet d'une belle envergure, encore une fois, qui va être un attrait pour Québec, qui va embellir notre ville. Et puis, surtout, bon, Québec vient d'être nommée la capitale culturelle mondiale de la culture, j'allais dire. Donc, voilà, c'est intéressant de voir comment est-ce que la ville évolue, se transforme avec toutes les œuvres d'art publiques déjà qu'on compte. Sur notre territoire. Donc, un attrait de plus pour notre belle ville. Oui, on a vraiment hâte de voir ça. Et la production va se faire aussi sur place. Ça va se faire à Lévis, en fait, dans son atelier. Et je ne sais pas si Ludovic t'a mentionné, mais est-ce qu'il compte travailler là-dessus seul? J'imagine qu'il y a tout un travail, mobiliser une grande équipe pour ce projet qui est d'assez grande ampleur, là, comme tu le mentionnais. Oui, effectivement. Donc, il m'a mentionné que ça allait impliquer la participation de plusieurs employés, en fait. Ludovic, en fait, est vraiment un spécialiste des métaux, est vraiment spécialisé dans les 1%. Il fait non seulement la confection des œuvres de 1%, mais il fait également l'installation de celles-ci. Donc, il l'a fait de ses mains, effectivement, avec de l'assistance. Oui, j'imagine. Ben, merci beaucoup de nous avoir présenté cette belle œuvre qu'on va voir sous peu. On a encore un petit peu le temps de la voir se développer. Merci, Geoffrey Poirier. Et nous, on va continuer cette émission de l'aérospatiale avec notre première capsule Avatar qui va commencer sous peu. Alors, on va attendre. On vous la présente pas tout de suite. On vous garde la surprise. On va simplement mettre une petite pause audio. Ça va être un extrait, encore une fois, choisi par Simon Roy. Et la pièce s'intitule... ça va être Nightmare, encore une fois. Parfait. On est de retour à l'aérospatiale ce soir, et avec nous en studio se sont joints à nous Caroline Gagné, directrice artistique d'Avatar. Bonjour Caroline. Bonjour Sarah. Et de l'autre côté de la table, toutes deux collées ensemble, on a Marion Gauthier et Nathalie Van Der Wecken qui sont avec nous aussi et qui vont nous parler de cette œuvre qu'on va présenter sous peu à l'émission. Donc on a quelques minutes. Je sais pas si Caroline, tu es déjà passée à l'émission pour présenter les capsules Avatar, mais veux-tu nous rappeler un peu ce que c'est, ces fameuses capsules qu'on va pouvoir présenter à l'aérospatiale? Oui, c'est une idée en fait qui est dérivée de La Croche-Oreille, qui est une émission sur l'art audio diffusée le dimanche soir à 21h, mais à partir de janvier. Donc, La Croche-Oreille qui va être animé par Gaétan Gosselin. C'est lui qui élabore la programmation aussi. Mais on a eu envie d'une sorte de clin d'œil d'art sonore au sein même de l'émission La Croche-Oreille. On pensait, là, d'ici juin, en faire, ça va dépendre, là, mais peut-être 8-10. Puis ces capsules La Croche-Oreille là, d'Avatar, ça se présente sous forme de... Ça peut être soit une œuvre, une pièce sonore, ça peut être un artiste en art sonore qui explique un projet ou peu importe. En fait, je veux que ce soit très, très libre, très ouvert. Je voudrais que ça soit une façon, peut-être pour vos auditeurs, d'apprivoiser l'art sonore. Oui, oui, et justement, c'est rare qu'on en parle à l'émission beaucoup, et là, on aura enfin la chance d'en vivre, d'en avoir dans les oreilles directement. On va partir en pub tout de suite, mais après, on va pouvoir écouter cette première capsule d'art sonore. Alors, merci beaucoup. Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. Les retardés mentaux sont toujours un peu réticents à l'idée du changement. CKRL 89A. Le rendez-vous culturel du mercredi, c'est l'émission Jamais comme tout le monde, animée par Tania Beaumont. De 17h30 à 19h30, en direct du bar Le Sacrilège, Tania reçoit des artistes d'ici et d'ailleurs en entrevue et prestations. Ses collaborateurs proposent des découvertes artistiques ou autres curiosités, et l'équipe promet de ne pas vous laisser partir les mains vides. Parce qu'à CKRL et au Sacrilège, on ne fait jamais rien comme tout le monde. La Foire du disque de Québec approche à grands pas. Plus de 35 exposants seront présents avec des milliers de disques vinyles à vendre. C'est un rendez-vous le 5 novembre prochain, de 10h à 16h, au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue Prince-Édouard. 2$ l'entrée. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique Lelièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30, à l'émission On refait la une. Et à 12h30 pour un bulletin d'information complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. En octobre, ne manquez pas Juste la fin du monde, le dernier film de Xavier Dolan présentement à l'affiche. Voyez aussi Un ours et deux amants, 1h54 dès le 3 octobre, Radin le 14 octobre, La Vache dès le 21 octobre et Frank dès le 28 octobre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Vous savez qu'il ne faut pas s'approcher des fils électriques. C'est pourquoi vous savez comment sortir l'échelle du garage. Vous savez où vous placer pour être près de l'arbre, mais loin des fils. Et vous savez qu'il ne faut pas approcher votre sécateur de ce côté-là. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que votre fille va arriver et vous dire... Papa, papa, regarde mon beau dessin! Et qu'en vous retournant, vous n'allez plus y penser. Au fil. Hydro-Québec vous rappelle que s'approcher à moins de 3 mètres des fils électriques, c'est mettre sa vie en danger. Je suis une bonne chanteuse, Maurice. Puis le monde m'aime. Puis je me suis rendu compte que j'avais des affaires à dire au monde parce que la Maine a besoin qu'on y parle de la Maine. Maudite innocente, tu te rends même pas compte que ce que t'as fait à soir, c'est dangereux. Ceux qui aboutissent à Maine, ils veulent pas être sauvés, Carmen. Un matin, le soleil s'est levé. Bricolage de textes de Michel Tremblay, mise en scène par Jean-Sébastien Ouellette. Présenté au Théâtre du Conservatoire du 16 au 22 octobre à 19h30, matinée le 22 octobre à 14h. Billets, 10$, 5$ pour les étudiants. 418-643-9833. Alors déjà, cette deuxième moitié de l'aérospatiale, le temps file à toute vitesse, mais on a encore avec nous en studio Marion Gauthier et Nathalie van der Wecken, qui était ici avec Caroline Gagné, qui est toujours en studio, pour nous parler de cette première capsule. Et Marion, c'est une capsule, c'est toi l'artiste derrière cette œuvre, ou il y en a plusieurs, parle-nous-en donc un petit peu. Ben en fait, cette capsule, c'est le collectif 5. Donc, on est 5 artistes. Donc, on a toutes fait la maîtrise à l'Université Laval. Puis, en fait, on avait fait un projet de recherche-création avec une bourse Première Ovation l'année dernière. Et puis, on avait créé plein de choses, et notamment une vidéo qui s'appelait Portrait, qui était un travail d'accumulation de nos propres portraits jusqu'à son effacement, son épuisement. Et puis là, cette année, pour notre exposition, donc qui aura lieu à partir de la fin de semaine, on avait envie d'aller plus loin, puis d'apporter du son, en tout cas de créer une œuvre sonore sur le même principe. Alors ça a été une collaboration en fait avec une autre artiste. Donc le collectif 5 a invité Marika Lemay, qui est comme une artiste qui travaille beaucoup l'écriture. Alors en fait au départ c'est donc des dérives d'écriture entre trois artistes. Donc Marilyn Bissonnette, membre du collectif, avec moi-même, puis Marika, notre invitée collaboratrice. Donc on a dérivé pendant 3 semaines sur notre projet, c'était assez ouvert, c'était fragmenté. Puis donc en fait toutes ces écritures ont été réunies en un seul texte. Et puis à ce moment-là on a enregistré nos 5 voix. Qui disent le texte. Mm-hmm. Et puis la capsule qu'on va entendre dans quelques instants, c'est nos voix superposées, comme on pourrait dire. Nathalie? Oui, dans le fond, c'est une superposition de nos voix. Le texte parle plus de notre processus de création, des choses qui nous interpellent chacune de façon assez imagée. Puis toutes les 5... il y a 4 filles du collectif qui ont enregistré leur voix, en plus de Marika. Puis en superposant, mais ça devient quelque chose de très intime, en même temps d'assez impersonnel aussi, parce que c'est plusieurs personnes à la fois qui récitent le texte. Mm-hmm. Donc il y a comme une ambiguïté. Ça crée une texture sonore très enveloppante aussi, et c'est d'ailleurs une des choses qu'on voulait faire avec les capsules d'art sonore. Vous allez comprendre, chers auditeurs et auditrices, tout de suite quand on va la lancer, mais c'est quelque chose où on peut s'abandonner dans cette texture, cet univers là, et se laisser porter. Alors on va tout de suite écouter cette œuvre qui s'intitule Voix, tout simplement. Alors, on écoute Voix. C'est une œuvre d'art sonore du Collectif 5 et on pourra reparler un petit peu plus tard de leur exposition qui ouvre ce vendredi. Alors, on écoute Voix à l'instant. Tremble d'attente dans un refuge inanimé, dans un refuge vibration olfactive, vibration profonde et ouverte, grotte et profonde, écho ces miettes en combiner des choses qui n'existent que peut-être, rouler en amas, sorti de sa zone brute et insolite, on s'est tenu les mains, on a fait un rond dansé, craque rituel de mots et de regards, abîmés en vertus asymétriques, 5 mondes, craque sans lacs, sans chavir, sans abîme, sans bras, amour, chaos, feu, vie, s'attaque de nous, reste des autres. tas de nouvelles sortes d'allégories de chaos, de réalités simulées, de grandeur parfois simulées, grandeur par petit bout, par poussière, l'infime, la poussière de la tenue de tout le monde devenir rien de gris, grandir, rien de grandeur, invisible, de l'irrituelle, amenant la poussière d'un poussière, il s'agit d'une certaine forme de vie, repose sous l'enveloppe à perdre un seul. S'il tremble encore, des végétaux à foison, figés dans la permanence des murs, comme peau de sculptures vivantes, presque sensibles, émanant des effluves, ces compositions multicolores, aux rages d'enveloppement, au désespoir de s'enfuir, celles qui s'échappent, sentant la rosée, ou bien l'herbe chaude du temps, frissonne l'ivresse avant qu'elle s'évanouisse, l'ivresse dans l'oreille, ses textures dans l'oreille, couvrir pour mieux révéler, s'agitant entre elle, il devient elle, la forme devient la matière, couche après couche, je vais fidèlement l'objet s'efface, pour laisser place à l'autre inattendu et imaginaire, évoquant un temps, le son enveloppe sa place, enveloppe aussi prend sa place pour dévoiler l'essence qui a été pétrie, malaxée, manipulée, brisée, depuis son origine du papier froissé et du tape, beaucoup de tape, une forme surgissante qui envahit tout, tout d'un coup, l'impression de se trouver ailleurs, dans un espace confiné, jusqu'au-dessus des bruissements et craquements, d'où il résonne le temps d'un espace imaginé, des refuges ouverts au vent, être là et être dans cet autre lieu, flotter, aussi flotter dans l'absence, que faire de ces passages des tumultes, à tour de bras, vagues à l'âme et mélancolie, survivre comme ça, même, se laisser juste aller, souvenir de souvenir, être dans cet autre lieu flotter, petite personne aussi flotter dans l'absence, avant de faire de ces passages des tumultes, départ rapide, à tour de bras vagues, à l'âme et mélancolie, survient comme ça de même, se laisser juste aller, sont vides de souvenir, ce qui reste de nous, petite personne discrète, avant le frais des fleurs, résultat de mélancolie, départ rapide, comme ça, vie, de même, se laisser juste aller, sous vide de souvenirs, ce qui reste de nous, petite personne discrète. Avant, il offrait des fleurs, résultat de l'oubli, départ rapide, vie, présence, mort, trachitude, jamais ce qui détruit ont ainsi transporté. Soudainement incorporé, devient vénération sans âme, mais sous-entendre, mais pourtant rempli de votre esprit. Regardez l'inscription de ces codes évoquant ce que la vie avec gants, provoquant ces vieux démons, rappelant la trajectoire de ses rides, précieusement rose, presque blanche, accepter d'un geste sacré, comprendra l'inscription de ces codes, rendant grâce, chantant, désirant, sans bouche, sans son, son visage est couleur carton, sa bouche remplie à rebord de papier mâché, ses deux yeux cavités au bout desquels pendent des fils électriques morts, puis vivants à nouveau. Sa carapace en flanc de sel présente un traumatisme cervical, enfermé sous ses espaces vitaux, elle attend de le revoir, caché, étouffant, observant un rire évanoui dans l'espace, tisane oubliée dans un moment de légèreté, tous ses bras dans le et ses oreilles remplies gros, à rebord de papier mâché, ses yeux deux cavités, desquelles pendant des fils électriques, tisane oubliée dans un moment de légèreté, à nouveau sa carapace, tous ses draps dans le lit et ses oreillers de sel présentes au traumatisme cervical enfermé, le passage d'une souris sous ses entre deux vitales. Elle entend de le revoir caché, étouffant, observant un rire évanoui dans l'espace tisane, oublié d'un moment de légèreté. Tous ses draps dans le lit et ses oreilles gros vieux, observant un rire évanoui dans l'espace tisane, oublié dans un moment de légèreté. Tous ses draps dans le lit et ses oreillers gros vieux, présence de 10 esprits, le passage d'une souris dans l'espace tisane, oublié dans un moment de légèreté. Tous ses draps dans le lit et ses oreillers gros, vieux, mou le passage d'un sourire entre les deux murs, la musique qui meurt à 3 heures, flottement de 5 idées, présence de 10 esprits. Alors, on vient d'entendre les voix chaleureuses et enveloppantes du Collectif 5. C'était notre première capsule d'art audio présentée en collaboration avec Avatar. Et ce ne sera pas la dernière. On va vous faire ce genre d'expérience-là dans les oreilles au courant des prochaines semaines. Alors, vous resterez à l'écoute. Et pour un peu clore, en fait, déjà cette émission, je vous présente une entrevue que j'ai réalisée avec le peintre Marc Séguin. Hier au téléphone, donc il a bien voulu s'entretenir avec nous de son film Stealing Alice qui sera présenté cette semaine à Québec. Alors je vous lance tout de suite cette entrevue et on se retrouve tout de suite après. Aujourd'hui, découvre comme cinéaste avec ce film-là. C'est sûr qu'il y a probablement certaines de ces, je ne sais pas si je devrais dire pratiques ou occupations qui doivent être un petit peu plus identitaires pour toi. Est-ce que tu les distingues, ces différents chapeaux-là que tu as, ou font partie d'un seul et même projet plus global? C'est la même personne qui fait comme tous ces trucs-là. Moi, j'aimerais ça être capable de dire ou de cloisonner comme un peu les gens le souhaitent, tu sais. Mais là, c'est assez exceptionnel parce que faire un film, c'est avant tout un projet, une entreprise profondément visuelle, tu sais. Mm-hmm. Puis je le suis, moi je suis artiste en art visuel, fait que c'est là que je me suis permis de me faire donner une autre forme de canevas, tu sais, où il y a du temps, tu sais, une autre forme de toile. Fait que c'est la même personne, puis tu sais quoi, un nourrit l'autre aussi. Mm-hmm. Parce que j'arrive, si je peux dire certaines choses sur l'écran, sur un film, ben je constate aussi des limites, tu sais, puis ça nourrit la peinture, où je peux aller ailleurs parce que c'est d'autres codes, un autre langage. Mm-hmm. Puis ça me permet de bien soustraire les défauts et les qualités de chacune des disciplines. Oui, puis on sent vraiment, j'ai eu la chance de voir Stealing Alice récemment, et puis on sent vraiment par moments que presque, il y a des images qui se détachent du récit un peu, des images magnifiques d'ailleurs. Évidemment, je pense à ces images de paysages qui ponctuent un peu l'ensemble du film, mais aussi il y a par moments vraiment des, c'est comme si c'était des vignettes, des images qui se détachent et on sent la préoccupation de l'artiste qui crée des images aussi à travers ça. Je pense qu'on le voit vraiment dans cette œuvre-là. Oui, excuse-moi, je veux juste rajouter que le luxe et le privilège dans ce cas-ci, parce que c'est que, comme c'est moi qui ai fait le film, c'est l'équipe qui le produit, j'ai pu me permettre de faire respirer le truc juste avec des images qui sont belles. C'est ce que malheureusement on voit très peu en cinéma, tu sais. Mm-hmm. De dire, ben, tu es juste assis dans ton siège là, puis je te blaste les yeux avec des trucs qui sont juste beaux, tu sais. Mm-hmm. puis c'est possible, ça se fait. Oui, c'est un peu, est-ce que c'était un peu comment je dirais, t'as des gens qui sont un peu prisonniers du film quand ils écoutent le film aussi. Alors t'as pu créer un espace où t'as un peu un public captif pour inclure ces images-là que toi tu choisis. Il y a beaucoup de liberté là-dedans. C'est quoi, tu me dis ça là, puis j'ai un gros sourire parce que tu l'as vu, tu sais, qu'on a très peu parlé, mais quand tu es dans une salle de cinéma, en principe exactement, t'es captif pour à peu près une heure et demie, tu sais. Puis moi, je me suis permis de payer une ride au monde. Ouais. C'est peut-être que, même si je ne demande pas aux gens, tu sais, de se casser la tête et d'essayer de comprendre une trame narrative ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est aussi ça, tu peux juste recevoir une forme de beauté visuelle qui est là aussi. Puis évidemment, il y a une trame narrative, ce qui fait que les gens peuvent rester assis ou se poser certaines questions. Mais des fois, c'est lié là, mon luxe, de me dire, tiens, ça me tente de juste vous en mettre plein la vue. Mm-hmm. Que ça soit beau, que ça soit plus évocateur que narratif. Oui, puis on a l'impression aussi que, justement, tu n'as pas fait de compromis par rapport à ce que tu as choisi de montrer. C'est un peu une attitude d'artiste, ça, de dire, peu importe le temps que ça prendra, peu importe ce que ça coûte, moi, c'est comme ça que je veux le faire, alors c'est ainsi que je le fais. Même, à la limite, d'après ce que j'ai compris, peu importe que ça soit vu par un grand nombre de gens ou pas, il y a aussi cette liberté-là par rapport aux contraintes. Oui, aussi, tu sais, aux contraintes, moi, ce que je trouve un peu déplorable, d'une industrie qui est de plus en plus contrôlée par des lois financières. Mm-hmm. Si ton film ne fait pas tant d'entrées, ben, les gens considèrent que c'est un échec ou un flop. Mm-hmm. Alors que moi, je suis habitué aux petites foules en art visuel. Oui, oui, oui. plus humble. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que les gens qui vont voir le film, en fait, depuis que c'est sorti, puis que les gens le voient, mon ego est rassasié pour des décennies, là. C'est bon, mais les gens ont l'air d'aimer ça, puis de se dire que cette formule-là aussi plaît. Oui. Le fait que ce soit pas une course à... une course de popularité. Oui, oui. D'ailleurs, je fais un peu le parallèle, évidemment, à l'aérospatiale. Bon, on s'intéresse beaucoup aux arts visuels. On trouvait ça intéressant de voir, d'inclure une portion cinéma là-dedans aussi, parce que, bon, ton travail est tellement empreint aussi là, de ton identité d'artiste en arts visuels. Mais à travers le film aussi, comme sujet, le monde de l'art revient quand même un peu. C'est des commentaires qui semblent venir à la fois de tes personnages et peut-être même de toi aussi? Oui, mais tu sais, regarde, c'est mon vrai monde, c'est mon monde quotidien. Je baigne dans l'art, puis principalement dans l'art visuel. Fait que là, c'est venu, en fait, je ne l'ai pas calculé. Ça a été naturel pour moi d'en parler, puis que ça fasse partie du sujet. Je pense que c'est ce qui fait surface en nous, qui fait qu'on peut être intéressant ou non pour des gens. Puis moi, ben, c'est la nature des arts visuels, ça fait partie de mon quotidien. Fait évidemment, comme je suis aussi, tu sais, inscrit dans une démarche aussi de carrière où il se passe des trucs dans ma vie, des belles choses, là, mais des fois avec lesquelles je pose des constats critiques là-dessus aussi, là, sur le mercantilisme, sur la marchandisation de l'art, tu sais. Oui. Puis le film semblait être une place où je pouvais aller. Oui. D'ailleurs, ça m'intéresse de t'entendre là-dessus parce que t'es probablement un des rares artistes, un des chanceux qui réussit à bien gagner sa vie à travers ce milieu de l'art, ce marché de l'art. Mais t'as aussi un point de vue assez critique. T'as une opinion politique et y a un côté activiste aussi chez toi. Comment est-ce que t'as l'impression que il y a possibilité de naviguer à l'intérieur du système tout en gardant un regard critique? Mais je pense que oui, je m'efforce de le faire, c'est-à-dire que, mettons, j'ai commencé rien, avec rien dans la vie, où je vivais dans un pick-up, fait que j'ai pas allé dans ce métier-là, ou dans cet état-là d'être artiste pour faire des sous. Moi, c'est arrivé en cours de route, où par hasard, je suis tombé dans un milieu où il y en avait, ça a fonctionné, mais sans l'avoir cherché. C'est arrivé comme ça. Mais de ce que je comprends de la fonction de l'art, puis du geste de création, moi, ça se passe entre quatre murs, dans mon atelier ou dans ma tête. Après ça, c'est des codes sociaux qu'on applique, sur lesquels on se met d'accord. Mais le geste de création, pour moi, il est sacré. Et c'est humble et ça reste quelque chose d'extraordinairement privé de faire, puis que je veux protéger aussi. Alors, ça m'empêche pas de le critiquer. Je sais que s'il y avait pas qu'on considère c'est des paramètres de succès autour de moi, je ferais de l'art de la même façon, pareil. D'ailleurs, j'attrape ce que tu viens de dire par rapport au travail plus en solitaire, de peut-être travail d'artiste. Dans le milieu du cinéma, là, on parle d'un travail qui est vraiment très collectif. Il y a beaucoup de travail d'équipe là-dedans. Comment tu as trouvé ça? Est-ce que tu as trouvé que c'était une façon différente de fonctionner aussi? Oui, parce que, tu sais, en fait, mettons que ça aurait mal tourné, ça aurait été facile de partager les faux pas, les échecs avec d'autres personnes. Oui. Donc, comme c'est beau puis ça fonctionne bien, ben je suis juste heureux de partager aussi ce succès-là. T'sais. Sauf que c'est long de travailler avec du monde. Moi, c'est pas mon rythme, c'est pas comme ça que je fonctionne d'habitude. Alors j'ai dû comprendre que comment ce qui était un art collectif, comment ça fonctionnait. J'ai passé 12 heures sur un plateau pour 30 secondes. De film à la fin. Et c'est pas vide, mais c'est un art qui est merveilleux, mais qui commande beaucoup de gens. Puis, on le fait. Alors là, c'est des codes qu'il faut comprendre, accepter ou non, mais des fois, c'est difficile. Oui, j'imagine. J'avais besoin d'aller m'enfermer dans les toilettes. Pour prendre une petite pause. Oui. Et tu parlais tout à l'heure que, évidemment, tu apportes quelque chose de ta pratique en art visuel. Tu as quelque chose de très viscéral aussi que tu apportes à l'intérieur de ton travail de cinéaste. Quel est l'effet inverse? Est-ce que cette expérience-là en cinéma vient jouer dans ton travail en peinture? Ben oui, parce que je me suis, tu sais, à force de cadrer à travers une caméra, parce que terriblement cadré puis contrôlé, tu sais, au millimètre près, là, tu sais, un mouvement de narine de quelqu'un, tu sais, une actrice, ou on tasse la lampe d'un millimètre, tu sais, parce que ça marchait pas là, une réflexion, tu sais, sur une joue, dans une fenêtre. Ben, moi, tout ça, ça finit par élargir ma palette puis mes connaissances, tu sais. Mm-hmm. Fait que quand j'arrive après ça dans l'atelier, où là, je fais un art préhistorique, c'est-à-dire un pinceau puis des pigments, mais j'ai l'impression d'être plus conscient de la surface que je regarde. Mm-hmm. Puis il y a quelque chose de beau puis de sensuel à peindre puis à faire des objets uniques aussi. Mm-hmm. Puis j'ai redécouvert ça. En faisant le film, en fait, j'ai fait une série de tableaux l'hiver dernier qui était probablement une réaction à cet art-là collectif et numérique, là, parce que c'est électronique. Oui, ce truc-là, oui. Où là, j'ai vraiment redécouvert mais la simplicité de la simplicité du geste, mm-hmm, de peindre. Ouais. Ça m'a fait un grand bien. Puis je me suis un peu, j'avais pris certaines distances, je me suis comme beaucoup réconcilié avec la peinture, avec ça. Ah, mais ça a été donc une expérience qui t'aura rapproché par l'éloignement, peut-être, qui t'aura rapproché de ta pratique de peintre. Et d'ailleurs, est-ce qu'on aura la chance de voir cette nouvelle production-là? Est-ce que tu oui, la gardes pour quelques projections privées, ou celle-là, tu vas pouvoir la montrer plus largement? Non, je vais la montrer, celle-là, parce que je suis assez fier. C'est un petit peu une cassure ou un départ de certaines choses que j'ai faites. Non? Mais oui, j'essaie très fort de je me bats contre New York, là, parce que oui, ils veulent garder les droits pour l'univers en entier, pour essayer de les présenter soit à Montréal ou à Québec, ou les deux, mais par quelque part en 2017. Tu sais, la série existe, dans mon stage à l'atelier, tu sais, mm-hmm, à Brooklyn. Puis tout est fait, tout est fini, c'est documenté, tout. Il faut juste que je trouve le beau point de chute, puis une bonne façon de le faire. Ben, on va rester à l'affût pour ça, et certainement, on va, si on a la chance d'avoir des billets, on ira voir Stealing Alice, qui est présenté au CLAP cette semaine. Alors, merci beaucoup, Marc Séguin, de t'être joint à nous ce soir, et puis on a bien hâte de voir la suite des choses. Merci, puis juste peut-être que je peux juste rajouter que moi, j'y suis au CLAP mercredi. Ah, alors ce sera l'occasion de t'y rencontrer. Oui, puis après, je ne sors rencontrer les gens, fait que je fais une espèce de Q&A, une question-réponse, si les gens veulent juste dire bonjour, dire allô, et mercredi. Alors, c'est mercredi, et si je me trompe pas, le film est présenté à 7h30 mercredi. Donc, j'imagine que la séance question-réponse suivra par la suite. Absolument, voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée, Marc. Merci, Sarah. Bye-bye. Bye-bye. Alors, c'était cette entrevue que j'ai pu préenregistrer hier avec Marc Séguin. C'est à mettre à votre agenda pour cette semaine. Et d'ailleurs, en terminant, on vous met une série de suggestions à voir pour les arts visuels à Québec. Alors, jusqu'à mercredi, vous allez pouvoir voir l'exposition de Marcel Ferron à la Galerie Michel Guimond. Et vendredi, c'est votre soirée pour vous mettre chic et aller faire le tour des vernissages à Québec. Et vous aurez à mettre des bons souliers, parce qu'il y en a un petit peu partout. Il y aura Auriel Ferrier qui va présenter Infrastructure à la bande vidéo. Il y aura également Vicky Sabourin et Steven Ballen qui vont être présentés à l'œil. Mathieu Brouillard et Jérémy Lenoir à vue. Alors tout ça, c'est en vernissage ce vendredi. Également, l'exposition collective inédite à la CERT contemporaine, le vernissage est de 17h à 20h. Et l'exposition Refuge du collectif 5, dont on a entendu un petit avant-goût tout à l'heure, ça va également être ouvert dès vendredi. Alors au 731 rue Saint-Vallier-Est. Et vous avez jusqu'à dimanche pour voir l'exposition d'Annie Baillargeon, dont on a parlé il y a quelques temps, l'exposition d'Adam Bergeron et Alain Parent, ainsi que l'exposition collective pour le 30e de Regard. Alors, toutes sortes de choses à voir cette semaine. Et c'est ainsi qu'on termine cette édition de l'Aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous allez pouvoir nous rattraper en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook et sur Instagram. Alors, un grand, grand merci à nos invités, Olivier Moisan-Dufour, Caroline Gagné, Marion Gauthier, Nathalie Van Der Wecken et Marc Séguin. Merci à notre chroniqueur Jeffrey Poirier. Merci à Jacques Gignac, toujours notre magicien des ondes, et nos comparses Jean-Tiane Lafrance et Audrey Caro qui nous écoutent à distance. Je vous invite pour ma part à demeuner à l'écoute de CKRL, car Pierre Blais et son équipe vous attendent de l'autre côté de la pause pour discuter cinéma à l'émission Situation Critique. Bonne semaine à tous. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation Critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants.